الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. On va donc continuer avec l'adab, les bienséances vis-à-vis de la sadaqa, vis-à-vis de l'aumône. Septième point, adab ul-ika, l'imani sadaqa, wa la ya'udda, fayastakthiruha li'adam al-jam' al-amwal bidun nafaqa. Donc c'est le fait de ne pas fermé à clé, Al-Ika, donc en arabe, c'est le fait en vérité des récipients. C'était le fait en vérité de les accrocher à l'époque. Donc c'était peut-être dans un tissu. Ils n'avaient pas d'armes, donc c'était pas la même, c'était pas la même pratique. Mais c'est quelque chose en peau ou quoi. Et bien sûr, donc, l'ouverture, elle était en vérité accrochée. Elle était donc fermée. Donc, c'est le fait de ne pas fermer, en vérité, donc là où on. Les armoires maintenant à clé. Si on pourrait dire ça maintenant à cette époque. Le fait de ne pas fermer les affaires, les armoires à clé, afin de ne pas faire sadaqa. C'est-à-dire afin de stocker et de garder que pour soi. Afin de ne pas faire sadaqa. Et aussi, il ne faut pas les compter. Il ne faut pas compter ce qu'on a. Il ne faut pas donc en effet être accroché à ce que l'on a. Parce que si on compte, le fait qu'on a peur d'en perdre. Le fait qu'on a peur que tout ce qu'on a, en nourriture ou en autre, en vérité, on ne veut pas le perdre. On est tout en train de le compter, on veut le garder jalousement. Et on veut même en avoir plus. Et on s'interdit, par rapport à cela, de donner. On s'interdit en vérité de quoi ? De faire sadaqa. Et là, c'est un hadith où Asma bint Abi Bakr radiallahu anhu قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكا عليك. C'est dans le Bukhari. La tuki fayuka alik. El ika, on convient de le dire. Donc c'est le fait de ne ferme pas à clé, ou bien ne fais pas de nœud, ne fais pas de lien dans la nourriture, dans l'endroit où il y a la nourriture. Sinon, Allah va faire la même chose avec toi. Sinon, Allah aussi va donc te donner, bien sûr, au compte goutte. Tu ne vas pas recevoir comme il le faut. Fayuka alik. Si tu fais ça, tu vas recevoir. Comme tu fais, on te fait. Comme tu fais, il te sera fait. Et dans une autre version, c'est la torsi, fayuhsallahu alik, ou fayahsillahu alik. La torsi, fayahsillahu alik. L'ihsa, donc c'est le fait de connaître exactement ce que tu as. Tu fais vraiment attention à ce que tu as. Tu connais exactement donc, ce que tu as. Mais pour avoir plus maintenant, pour stocker, pour garder, parce que tu as peur de ce que de perdre. Et tu veux pas que ça se diminue. Donc tu fais vraiment attention. Et le prophète s'enseigne donc qu'il a interdit cela à Asma. Elle lui a dit donc ne compte pas, car Allah va compter avec toi. Et dans une autre version, tous sont dans le même hadith de Bukhari. Hadith numéro 1433. La tu'i, fa yu'i Allahu alik. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne rassemble pas, ne stocke pas, ne rassemble pas, car on va rassembler contre toi. On va rassembler contre toi, ça ne va pas en recevoir, on va rassembler contre toi, mais pas pour toi. Et donne tant que tu peux. Donne tant que tu peux. Al-Dakhi, ça vient en vérité, c'est l'Ata, Al-Yassir. C'est le fait de donner, même si c'est léger. Donc c'est le don qui est La donation qui est légère. Donne tant que tu peux. Tout ce que tu peux. Tant que tu peux faire plaisir, tu fais plaisir. Et dans une autre version, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ma li malun illa ma atrala alayya zubair fa atasaddaqu qala tasaddaqi wa la tu'i fa yu'allahu alayk. Elle lui dit, ô envoyé d'Allah, je n'ai pas de bien sauf ce que Zubair m'a donné, ce que Zubair a entré chez moi. Est-ce que je fais l'aumône avec? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais l'aumône avec et ne stocke pas, car Allah il va stocker contre toi. Car Allah il va stocker contre toi. Et là on voit bien qu'elle a dit, je n'ai pas de bien, je n'ai pas grand chose. Donc il a parlé maintenant même à une personne qui n'est pas riche, c'est pas une personne qui a énormément de choses. Et pourtant il dit, donne. Donne. C'est-à-dire la sadaqa, elle n'a pas en vérité, c'est pas que pour les riches. C'est pas que les riches. On n'attend pas que c'est celui qui a le bon salaire, celui qui a les terrains, celui qui a ceci, qui a cela pour donner. En fait, la sadaqa, elle est là pour tout le monde. Le riche et le pauvre. Elle doit être faite, donc, même par celui qui n'a pas beaucoup de moyens. Dans une autre version, Anfiqi wa la tursi fa yahsillahu alayk. Wa la tu'i fa yu'illahu alayk. Dans une autre version, donc, donne. Anfiqi et infaq, c'est le fait de donner aussi. Et ne garde pas, ne stocke pas. Car Allah va stocker contre toi. Donc la tursi, ça ne compte pas. Ne fais pas en vérité, en sens sous-compte, hein, justement, à la. C'est-à-dire à l'avare, hein, on connaît un peu les avares comment ils sont vraiment prêts. Regardez, ce ne soit pas proche de tes biens. Ne sois pas trop proche de tes biens, car là, justement, il va bien sûr être proche contre toi, mais en t'interdisant justement de recevoir. Et aussi, ne stocke pas, car Allah, il va stocker contre toi. Et dans une autre version, dans Sahih Muslim, Anfiqi, ou Andihi, ou Anfiqi, voilà, Tahsi, voilà. Tarsi, fayuhsirullah wa alika. Voilà, tu'i, fayuhillah wa alika. Donc, toujours, dans une autre version. Donc, ça fait la même chose. Et l'ika, comme le dit donc ici, c'est, shaddur ras al-bi'a. Bin bika wa huwa rabit alladhi yurabbitu bih. Donc, c'est le fait, en réalité, de faire un nœud. De fermer, imaginez-vous, ce sac, ou ce coffre, ou cet objet où on stocke des choses et on ferme. Donc, imaginez-vous maintenant, la clé, maintenant, c'était l'armoire. Et, ihsa, c'est aussi ma'arfet qadr al-shay. C'est le fait de connaître parfaitement, donc on a fait la chose. Waznan ou addan. On connaît le nombre de boîtes de conserve, maintenant. On connaît le nombre de pièces qu'on a. On connaît le nombre de billets qu'on a, et la khili. Huitième point. Adam al-hirsi ala al-mal. Wa hitam al-dunya al-za'ila bil-ahadith al-atiya. Huitième point. Donc de ne pas être celui qui court tout le temps après l'argent. Le chef, le fait d'être en vérité assidu à vouloir plus gagner de l'argent. Être en vérité vigilant face à l'argent. Mais plutôt, et aussi, de ne rechercher que la vie d'ici-bas, qui est en vérité vaine. Elle va être, donc elle va périr. Elle va disparaître, parce qu'elle est Zahila. Ouais, Zahila, c'est notre chose qui va disparaître. Par rapport à ce hadith, le premier hadith, c'est le hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. Donc le cœur de celui qui est âgé, de celui qui est en âge avancé, est jeune pour aimer deux choses. Il aime en vérité que sa vie soit longue et il aime les biens. Hein? Il aime les biens. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voit pas que il va se retrouver auprès d'Allah ce matin. Alors il oublie en vérité cela. Lui il cherche justement à quoi? Parce que tout cela soit prolongé. Et il n'y a rien de mieux que ça pour que le cœur justement il devienne dur. Pour que son cœur justement il devienne dur par rapport à Al-Hamed. Parce qu'il espère tout le temps que toute sa vie se repousse et il espère tout le temps que son argent soit augmenté. Il oublie après par rapport à cela Allah. Donc il ne pense pas à l'au-delà. Alors qu'il est vieux mais il se prend pour un jeune. Il est vieux, mais il n'est pas jeune dans notre culture. Pas dans la mentalité où on dit, mashallah, celui-là, on dirait un jeune dans le sens où il est proche des jeunes, il aime bien les jeunes, il a créé là. Dans le sens en vérité qu'il ne veut pas mourir. Dans le sens en vérité qu'il veut pas, il est tout le temps corps à corps assidu à l'argent, alors qu'à ce moment-là, il n'est plus demandé, surtout à une personne âgée, c'est qu'il va se retrouver mourir du jour au lac, parce que ça, il est prémices de la mort sont chez lui. Là, j'ai avancé, il a khili. Et pourtant, il reste encore accroché à la discipline. Et pourtant, il reste accroché au bien. Alors que normalement, lui devrait passer encore plus. Il devrait passer normalement énormément de temps. C'est la même chose pour les jeunes. Mais lui, spécialement, parce qu'il sait très bien qu'Allah Azzawajal va le rappeler à lui bientôt. Il sait qu'Allah Azzawajal va le rappeler à lui bientôt. Et en vérité, il oublie tout ça. Et le deuxième hadith de Anas. Donc, ce hadith-là, donc, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith de Anas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ihramu ibn Adam wa tashubbu minhu thnatan al-hirsu ala al-mal wa al-hirsu ala al-umr » Donc la personne va vieillir, hein, la personne va devenir en vérité même vil, donc sénile, donc le fils d'Adam va devenir sénile et va bien sûr va vieillir. Et deux choses qui vont vieillir à Kulhel, avec le dans le sens où il cherche à devenir jeune par rapport à ces deux choses, à ces deux points. Donc c'est un qui revient par rapport à l'autre. C'est justement toujours le fait de rechercher énormément les biens ainsi que l'âge. En vérité, cette personne ne veut pas mourir. Ne veut pas mourir. Dans une autre version, c'est Yaqbulu. Donc c'est la même chose. Yaqbulu. Et troisième hadith, de manière toujours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ukana li ibn Adam wa adiyan min dahab ahabba an yakunnahu wa adiyan. Donc ce hadith est connu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si le fils d'Adam avait donc le wad, donc on connaissait le wad, donc c'est justement ce renfoncement, cette rivière qui serait en bas des montagnes d'or, donc imaginez-vous une grande quantité d'or, il en voudrait une deuxième, il voudrait avoir deux wad. Wala yamla fahu illa turab. Alors qu'en vérité, il ne remplit sa bouche que de poussière, hein, que de turab, que de terre. Wala tuburlahu ala mentab. Et Allah donc, fait son repentir envers celui qui demande le repentir. Donc on voit ici qu'en vérité, il n'entre dans sa bouche que quoi? Donc de la terre. Donc on voit déjà que c'est pas. Donc on comprend que civil auprès d'Allah, c'est mal'oun. C'est en vérité civil et ça vaut rien. Parce qu'Allah a comparé ce trésor-là que le président en voudrait avoir à de la terre. Donc c'est une preuve que ça ne vaut rien. Et en plus, à la fin, il termine par la tauba. Il nous montre bien que Allah pardonne à qui il veut. Parce que, adatan, comment les gens gagnent l'argent? Comment les gens arrivent à gagner énormément d'argent? Est-ce que c'est en adorant énormément Allah? Là, ça demande du temps. Alors qu'on comprend déjà par rapport à ça que son temps, en vérité, il ne le passe que dans la dunya et il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été distrait vis-à-vis d'énormément d'adoration, vis-à-vis en vérité d'énormément d'obligations, hein, d'obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah, bien sûr, va donner son repentir envers celui qui va se repentir. Donc, repentir, il vient quand? Il vient après des péchés. Ça, il va venir en vérité après les péchés. Donc il y a encore plusieurs hadiths qui sont en rapport avec cela, qui sont en rapport toujours, c'est toujours même ces versions qui sont en vérité différentes. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a dit par rapport à ça, bien sûr, lorsque toujours par rapport au bien, c'est qu'en vérité, bien sûr le musulman il ne doit pas donc, chercher à concurrencer son frère pour avoir plus d'argent. C'est pas le but, la concurrence. Mais en vérité, la concurrence, elle doit être donc en vérité dans les bienfaits, dans la religion, dans les actes, les adorations dans l'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur, a montré que c'était l'un de la chose dont il avait le plus peur lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam inna akthara ma akhafu alaykum ma yakhruju Allah lakum min barakat al-ard. Donc certes, la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est ce que Allah va faire ressortir pour vous comme bénédiction de la terre. Et on dit quelles sont les bénédictions de la terre? Il dit Zahrat al-Dunya. Donc les beautés de la dunya, de la vie d'ici. Bon, imaginez-vous les châteaux, les belles voitures, hein, les beaux chevaux, les belles terres, toutes ces choses-là. Imaginez-vous un peu ce qu'on connaît, bien sûr, de la vie d'ici. Bon. Après, il dit Inna hadal mal khadiratun hulwatun min akhadahu bi haqqihi wa wada'ahu fi haqqihi. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. Donc il montre bien, bien sûr, que cette donc en vérité que cette ce bienfait, donc il est bien, c'est un bienfait en vérité qu'il est, bien sûr, c'est une ni'ma, c'est une grâce de la part d'Allah, mais c'est aussi un délice. Et celui qui prend ce bien de bon droit, il le redépose de bon droit, donc en ce moment-là, c'est une ni'ma pour lui, c'est une grâce. C'est une grâce en vérité pour lui. Dans le sens où tu l'as donc gagné dans le halal et tu le redéposes dans le halal. Et parmi le fait de le redéposer dans le halal, il y a donc le fait de faire sanaqa, le fait de faire de payer la zakat, le fait en vérité d'aider les gens, le fait de, hein, donc de dépenser comme Allah te l'a demandé. Et comme il y a énormément de dalil comme quoi il faut faire sanaqa, donc ça rentre dans le haq, ça rentre en vérité dans le haq. Quand est-ce que celui qui a pris cet argent-là, ce bien-là, de mauvais droit, donc ce n'est pas de bon droit, il a peut-être volé, il a utilisé, donc il a usé d'intérêt ou autre, c'est comme si celui qui n'a pas mangé, et en vérité celui qui mange à point et qui ne se rassasie pas, il n'est jamais rassasié, et on veut toujours plus, et yashba. Donc Allah il va faire justement dans le cœur, comme quoi il n'y aura pas le qana'a, il ne va pas être à l'aise, ce n'est pas suffisant pour lui, il veut tout le temps plus. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il est rapporté aussi par Al-Bukhari Muslim, où Amr ibn al-As, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ni'amal mal salih li mar'i salih. Donc il dit bien, oh que beau l'argent, le bon argent, chez la bonne personne. Donc l'argent, en vérité, qui est bon, chez la personne pieuse. Chez la personne pieuse. On a énormément d'exemples. Chez les savants, d'abord chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la personne la plus généreuse, donc il est déjà Ajwadun Nas, c'était la personne la plus généreuse. Il est encore plus généreux spécialement pour le mois du Ramadan. Et ce hadith veut dire qu'en réalité pendant le mois du Ramadan, il faut faire encore plus de sadaqa, parce que c'est un mois où on jeûne, on prie, on lit le Coran et on donne beaucoup. C'est pas juste on jeûne, on prie, on lit le Coran. C'est on jeûne, on prie, on jeûne, on lit le Coran et on donne beaucoup. Pourquoi le hadith est venu et encore plus pendant le mois du Ramadan? C'est un dalil que pendant le mois du Ramadan, c'est là où il faut en vérité faire, non bien sûr, se rapprocher des pauvres et donner le plus. Et donc c'est le meilleur exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a bien sûr énormément d'exemples, parmi eux celui du compagnon, et on verra ça par la suite, inshallah. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, « Ala inna dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa zikrullah, wa ma wala, wa alimun, wa unta'allim. » Donc il a bien montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la vie d'ici-bas, elle est maudite. Tout ce qui s'y trouve est maudit, sauf le rappel d'Allah. Et bien sûr, ce qui va avec le savant et l'étudiant. Donc tout ce qui a un rapport en vérité avec la science religieuse. Il n'y a que ça qui est demandé auprès d'Allah. C'est ça qui est demandé, afin de pouvoir adorer Allah. Parce que c'est le moyen, c'est le meilleur moyen pour pouvoir adorer Allah. Donc tout est en vérité maudit auprès d'Allah, détesté auprès d'Allah. Donc c'est, à partir du moment que c'est mal'una, qu'est-ce que l'ana? L'ana c'est tard. Ana rahmatillah, c'est justement le fait d'être repoussé de quoi? De la miséricorde d'Allah. Donc c'est le contraire de la miséricorde. La dunya ne fait pas partie de la miséricorde. Elle fait partie en réalité de ce qui a été maudit. Sauf bien sûr celui qui va quoi? Adorer Allah ce matin. Sauf celui qui sauf en réalité ceux qui va t'amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça bien sûr, lorsqu'on voit ça, c'est afin que les gens sachent. Donc c'est fort. Pourquoi c'est fort? C'est justement pour que les gens sachent qu'en réalité que. Majoritairement, c'est la dunya qui fait périr les gens. C'est la dunya, ce qu'on retrouve dans la dunya qui fait en vérité entrer les gens en enfer. C'est pas autre chose. C'est le fait de quoi? De faire devancer la vie d'ici-bas par l'au-delà. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça qu'on retrouve ces textes qui sont durs. C'est pas pour rien. Donc on est arrivé là maintenant au 9e point. Le 9e point, c'est tawassutu et sadaqa. Fala israf wa la taqtir. Donc d'être juste dans la sadaqa, dans le sens où on donne. Sans exagérer, on ne va pas mettre un tout donner. Lorsqu'on a des enfants, on ne va pas leur donner, on va pas leur laisser de quoi pouvoir se nourrir, ou voir même de quoi pouvoir se nourrir soi-même, même si on n'avait pas d'enfants. Et on ne va pas non plus être en vérité donc avoir le fait de donner très peu. Alhamdulillah, on a les moyens, mais on donne. On ne dépasse pas que les pièces jaunes, alors qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ça. On ne va pas dépasser que les pièces jaunes. On se débarrasse. Ça pour nous c'est insignifiant maintenant. On donne des choses qui sont en vérité chez nous quasiment insignifiantes alors qu'on peut faire mieux que ça. Donc on ne doit pas être ni celui qui va tout donner et ni celui qui va quoi donner très peu. Donner très peu. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Furqan: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc il montre bien ceux qui donnent, ceux qui font donation, n'exagèrent pas dans la donation, donc ne dépensent pas exagérément, et aussi ne retiennent pas donc exagérément, et qu'ils sont en vérité dans le juste milieu. Ils sont en vérité dans le juste milieu. Que ce soit bien sûr lorsqu'on parle d'infarq ici, c'est que ce soit la zakat ou que ce soit bien sûr l'aumône surérogatoire. Que ce soit en vérité surérogatoire. Dixièmement, et donc on a vu donc, on a vu les 9 points, c'est ça ? Mm-hmm. On a vu les 9 points. Donc on a vu les 9 points. Donc maintenant on va donner des exemples. On va donner des exemples de la sadaqa. Donc bien sûr, on va commencer bien sûr par les meilleurs des croyants. Donc parmi les meilleurs des croyants. C'est-à-dire comment en vérité les gens font. Comment étaient les gens vis-à-vis de la sadaqa ? Comment étaient les plus prédécesseurs, les compagnons et autres vis-à-vis de la sadaqa ? Donc c'est le titre donc, de ce chapitre, c'est Al-Munafasa. Al-Azima fi Sadaqat. Donc la concurrence, comme a été la concurrence qui est énorme, l'énorme concurrence vis-à-vis des Sadaqat, vis-à-vis des aumônes. Et on va commencer par monsieur Abu Bakr Siddiq. On commence par les croyants. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il y a les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, bien sûr, était parmi les plus riches. Il faisait partie des plus riches, du Quraysh. Donc il avait énormément d'argent. Et le jour où il est entré dans l'islam, il avait chez lui 40 000, ou dinars, ou dirhams. Donc pièces d'or ou pièces d'or d'argent. Hein. Donc il avait des dirhams ou des dinars. Il en avait 40 000. Et il a tout donné. Donc il a bien sûr il a usé tout cet argent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations, premièrement, la première sadaqa qu'il a fait, c'est infaq mali fi i'taq ar-riqab. Il a dépensé son argent afin de libérer les esclaves, ou afin de libérer ceux qui étaient prisonniers. Afin de libérer en vérité ceux qui étaient prisonniers. Il en a libéré, alhamdulillah, beaucoup. Et on en a retenu 7, mais il en a arrêté plus que ça. Bilal, Amr, Mufahira, Zubayra, Al-Hindiya, Bintuha. Donc Al-Hindiya plus Safi, donc ça fait Bilal, Amr, Zubayra, Al-Hindiya plus Safi, ça fait 5. Wa kanata li imra'atin min bani Abdiddar, wa Jalia bani Mu'mal, wa Isa, radiallahu anhu, ajma'in. Donc on voit plus qu'il y avait beaucoup de femmes. Par rapport à cela, beaucoup de femmes. Donc il est encore plus difficile d'être esclave, et en plus lorsqu'on est en vérité une femme, c'est encore plus difficile qu'un homme. وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْرِقَابُ يُعَذَّبُ مُعْظَمُهَا عَلَى إِسْلَامِهَا. Et la majorité de ces gens, non seulement ils étaient serviteurs, mais en plus ils étaient en vérité torturés du fait qu'ils sont entrés dans l'islam, du fait qu'ils ont embrassé l'islam. Donc il y avait en plus un besoin pressant. فأنقذها الله بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et Allah عز وجل les a sauvés par la main de Abu Bakr الصديق رضي الله عنه. وأخذ رضي الله عنه ينفق أمواله في خدمة الإسلام والمسلمين. Donc Abu Bakr الصديق رضي الله عنه bien sûr a dépensé donc son argent pour bien sûr donc la cause de l'islam et des musulmans. On retrouve donc cette parole là, petite histoire là dans plusieurs livres, parmi le nom Sirah ibn Hisham, les deux Sirah, Al-Isaba aussi, puis Tamiz al-Sahaba, et d'autres encore, comme Al-Bidaya wa Nihaya al-Kamil, et Tariq al-Khulafa, et Sujurti. On retrouve toutes ces paroles dans ces livres là. Deuxième sadaqa, Infaq Jami' Man, fi al-Hijra ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il a pris tout son argent, lorsqu'il a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. حمل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. Donc il a pris tout le reste de l'argent qui lui restait. Il avait déjà dépensé, alhamdulillah, énormément avant la hijra, et après il a pris tout le reste. Il n'a rien laissé à sa maison lorsqu'il est parti en Médine. Voilà, mais yabqa li ahlihi shay'an. Il n'a rien laissé même pour sa famille, rien du tout. فعن أسماء بنت أبي بكر صديق رضي الله عنه قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر ومعه احتمل أبو بكر ومعه ماله كله. Donc Asma l'a dit, رضي الله عنها, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti avec Abu Bakr, lorsqu'ils sont partis, il a pris tout son argent, donc tous ses biens, il a pris tous ses biens. 5000 dirham ou 7000 dirham, 5 ou 6000 dirhams. فانطلق بها معه يبي لي هذاك. قالت فدخل علينا جدي ابو قحافه وقد ذهب بصره الى rentré chez nous جدي ابو قحافه alors qu'il était aveugle فقال والله اني لا اراه قد جاء فجعكم بماله مع نفسه. قالت كلا يا أبت وقد ترك لنا خيرا كثيرا. Alors il a dit, lorsqu'il a dit ça, il a dit donc je pense qu'il vous a embêté, donc surpris hein, de l'embêté, il vous a oublié, il vous a surpris par rapport à son argent, dans le sens où il vous a délaissé, il est parti avec. Elle a dit non, au contraire, il nous a laissé énormément de biens. قالت فأخذت يعني أحشارا فجعلتها كوا في البيت. Donc elle a pris donc des pierres et elle les a mis. Donc dans Sarkam al Haït, le Haït dans un endroit, donc on a pris les pierres, les a mis comme ça dans l'endroit près du mur, et Wakana Abi yani yaj'alu fiha malu. Il laissait donc là, c'était une cachette en vérité, où il cachait donc ses sous près d'un mur, donc en dessous des pierres. Thumma ja'alat 'alayha thawban. Et elle a mis donc à l'intérieur de un habit. Thumma akhadhat bi yadihi fa qalat da ya abat yadak 'ala hadha al mal. Il lui dit, pose cet argent pour qu'elle voit. Parce qu'il t'a aveugle. Il dit, touche et regarde là où il y a les biens. Qalat fa wada'a yadahu alayhi. Donc elle a dit, il a posé ses mains sur ça. Faqal la bas. In taraka lakum hada faqad ahsan. Si vous allez laisser ça, donc il a fait du bien, il a commis du bien. Wa fi hada lakum balagh. Et mashallah, ça c'est beaucoup pour vous, donc c'est bien. Qalat wala wallah ma taraka lana shay'an. Walakin aradat an. Donc elle a voulu en vérité calmer, en vérité mettre le chir en vérité dans toute confiance. Dans le sens où elle voulait laisser en vérité cet aveugle-là avec bonne conscience, dans le sens c'est bon, là ils ont de quoi faire. Mais pourquoi là on voit la différence entre ce qu'il a fait Abu Bakr Siddiq et le hadith, ça, ou bien le verset, comme quoi que l'ami yasrifu, il ne dépense pas. Mais là en vérité c'est pas la même chose, parce que là c'est une famille qui est capable de résister, qui accepte totalement ça. Donc ça, c'est pas un problème. Si tu donnais un peu plus, alors que la famille largement l'accepte, il n'y a aucun problème. Même si tu rentres vraiment, même si tu as donné beaucoup. Parce que c'est selon la vérité sur les gens. Les gens changent. Et la famille d'Abu Bakr Siddiq, ce sont des gens qui sont donc hors du commun. En vérité, c'est une famille spéciale. Tous, ils ont la foi forte. Vraiment forte. Donc il n'y a pas de problème pour eux pour tenir. Ils sont capables de tout donner pour l'islam. Mais pas tout le monde peut faire ça. Pas tout le monde va dire, moi je vais faire comme Abu Bakr, je vais donner. Inconsciemment, il va donner, en vérité, ça va donc amener de la pauvreté. Et quand une fois, ça va amener maintenant de la misère ou de la pauvreté dans la maison, les gens, même celui qui a donné, va regretter, il va dire, je pensais que je pouvais résister. En vérité, la personne, il faut qu'elle connaisse exactement son lève, c'est de ne pas essayer des fois de faire des choses qui sont exagérées, parce que certains sont capables. Et parmi les exemples, c'est que donc c'était l'épouse de Omar ibn Abdelaziz, demande, elle aussi, elle avait tout donné, elle était riche, fille du khalif, hein, donc c'était la fille du khalif, qui vient avec des trésors, avec son coffre rempli de trésors, qui donne tout. Elle donne tout. Elle reste habillée simple, elle reste simple. Comme il était, Omar ibn Abdelaziz, elle vit comme lui, et sa vie, ça lui plaît pleinement. Elle en prend mieux comme ça que comme elle était avant, alors qu'elle était ultra riche. Elle donne tout. Et c'est pour montrer les exemples. Il y a des fois, les gens, ils sont différents des autres. Donc c'est pas toujours en vérité. Chacun y aura en vérité, mais sur chacun, selon en vérité son degré de foi. Elle demande, est-ce que je peux utiliser de la lumière de la voisine? Il lui dit, toi non. C'est-à-dire que la voisine, elle met de la lumière, donc elle allume la fin, et elle utilise la lumière de sa voisine afin juste de coudre. Juste pour pouvoir coudre. Il dit, toi non. toi tu peux pas. Il aurait dit à une autre, il aurait dit toi tu peux, mais toi tu es capable de résister, d'allumer ta, hein, donc d'allumer enfin, ton feu à gaz ou à pétrole, je veux dire, ou bien à essence, hein, comme c'est avant, avec de l'huile, tout ça. Donc tu peux allumer toi-même ta lumière et quoi, et faire toi-même ton truc, ton, ta couture, sans utiliser déjà, sans profiter déjà. Donc on voit que sans vanter, c'est selon les personnalités. Parce qu'il a dit toi, non. Donc c'est une fait toi qui aurait pu être lui pour quelqu'un d'autre. C'est la même chose là aussi. La forme de Boukhar Sidi qui sont spécifiques, c'est khas pour eux. Donc il n'y a rien laissé. Donc, c'est pas dire que c'est pas mal ce qu'il a fait. Nous, beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas pu faire ça. On pourrait pas résister par rapport à notre époque ou comment on est. On pourrait pas pouvoir faire partie de cette famille parce qu'ils sont trop au-dessus de nous, enfin, par rapport à ça. On n'arriverait pas à comprendre enfin, certains, en réalité, les événements qu'on voit, certains gestes que l'on voit. Donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour enlever les ambiguïtés. Pourquoi il a tout laissé, il leur a rien laissé. Regardez, elles étaient, elles ont rien dit. Elles ont laissé beaucoup de bien. Elles ont pas parlé de mal contre le père. Elles ont même fait croire qu'il y a laissé quelque chose. Elles ont posé un bien. C'est un abyss, c'est un bien. Touche. Alors, là, il y avait justement, il y avait des pierres, ça touche. Il y a un bien, il touche. Il ressent, il dit, Alhamdulillah, c'est beaucoup, c'est suffisant. C'est suffisant. Troisième sadaqa. Tasadduquhu bimalihi kullihi wa Omar bin Nasf fi ghazwati Tabuk. Hein? Fi ghazwati Tabuk. Tabouk, donc, il a tout donné de son argent, donc il a donné de toute sa fortune. Et Omar a donné de la moitié. Donc, la qissa est connue, là où on voit la concurrence entre Abou Bakr et Omar. C'est donc un ghazwa, Tabouk. Tabouk, donc, qui est au nord, à plusieurs centaines de kilomètres de Médine, donc au nord, lorsqu'on monte pour aller vers la Jordanie. An Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوقف ذلك مالا عندي قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما donc il dit Omar ibn Khattab le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de faire donc de l'aumône, de donner de l'aumône et j'avais de l'argent chez moi donc j'avais laissé de l'argent chez moi, j'avais de l'argent. Et il s'est dit ce jour-là, je vais cette fois-ci donc battre, je vais concurrencer Abou Bakr si j'arrive à le battre un jour, hein, si je le battrai bien un jour. Fadjitu binasfi mali, et je suis venu avec la moitié de mes biens. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma abqaita li ahlik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu laissé pour ta famille? Qultu mithl, j'ai dit la même chose, donc la moitié. Qala وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلي قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت والله لا أسبقه إلا شيء أبدا هذا حديث aussi qui est rapporté dans le Tirmidhi Abu Daoud donc il est considéré comme donc il a été aussi authentifié par Al-Hakim il a été authentifié par Al-Hakim. Donc ce hadith là où on voit que Abou Bakr Siddiq donc aussi lui donc il a laissé donc lorsqu'après Abou Bakr Siddiq est venu il a posé son argent il a dit qu'as-tu laissé il a dit donc qu'as-tu laissé pour ta famille il a dit j'ai laissé Allah et son envoyé j'ai laissé Allah et son envoyé donc lui il le fait à tout un coup hein, totalement il est capable de tout donner l'islam lui suffit l'islam sent bien c'est largement suffisant pour lui et après il dit Omar ibn Khattab il dit par Allah donc je ne pourrai jamais en vérité le battre. Je ne pourrai jamais le concurrencer dans quoi que ce soit. Donc Hamdoul a déjà le reconnu. Et c'est lui-même qui dit ça. Donc on voit en plus déjà en vérité l'humilité d'avoir qui ont les compagnons du prophète. Parce que lui-même il ose dire que je peux rien faire contre lui. Il reconnaît le fadl d'Abou Bakr Siddiq sur lui directement. Sans problème. Alors que c'est quand même c'est la deuxième personne de l'islam. C'est le meilleur. Il n'y a pas de problème. Meilleur ou pas meilleur, ça ne change rien pour eux. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas par rapport à ça. Ils restent en vérité comme ils sont. Rien ne change chez eux. Rien ne change. Deuxième point, sadaqat Uthman, radiallahu anhu. Donc la sadaqat Uthman, radiallahu anhu. Kana Uthman, radiallahu anhu, min al-aghniya, alladina aghnahum Allah azza wa jal. Wa kana sahibu tijara wa amwal, taqila. Walakinahu istakhlama hadhi al-amwal fi ta'atillah azza wa jal, ibtigha mardatihi wa ma indahu وصار سباقا في كل خير ينفق ولا يخشى الفقر. Et Othman, radiallahu anhu, donc aussi faisait partie des riches. ce dont Allah Azza wa Jal a donc bien sûr octroyé ses bienfaits. Et c'était quelqu'un, donc c'était un commerçant. Et alhamdoulilah, il avait énormément d'argent. Et il a dépensé cet argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'accepter, afin de recevoir son agrément subhanahu wa ta'ala, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Car en vérité, ils savent très bien que leur argent ne vaut rien par rapport à ce que Allah donne comme récompense. La récompense, elle est largement au-dessus de n'importe quel bien. Et il fait partie de ceux qui s'empressent à faire tous les biens. Et il donne, il n'a pas peur de la pauvreté. Il n'a pas peur de devenir pauvre. Ça ne le dérange en quoi que ce soit, en rien. Et Othman, radiallahu anhu, donc là on va voir quelques exemples parmi ceux qu'il a donné. Donc le premier exemple c'est عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كتب النبوية وجد أن المال الماء عفوا العجز القليل وليس بالمدينة ما يستعذب يعني غير روما يعني donc un truc qui s'appelle Roma. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Nasa'i. Il est authentifié aussi par le Cheikh Al-Albani. On le retrouve dans Sahih Nasa'i. Donc, ce hadith-là, où le prophète sallallahu, donc lorsque le prophète est venu à Médine, les gens avaient très peu d'eau. Les musulmans, donc, ils n'avaient pas beaucoup d'eau. Ils se plaignaient. On sait que l'eau, donc, c'est quelque chose de très important. On sait que l'eau, ça devient quelque chose d'important. Il n'y avait pas de quoi avoir de l'eau qui était en vérité pure, consommable. À part, donc, justement, ce puits-là. Ça s'appelle Bit Roma. Le prophète, ça ressemble à dire, qui de vous achèterait ce puits? Et en vérité, il laissera donc son seau, lorsqu'on récupère l'eau, donc son seau, avec les seaux des musulmans. Et il fait profiter en vérité les musulmans. Il sera meilleur pour lui, bien sûr, dans le paradis. Donc en vérité, il gagne le paradis par rapport à cela. Et donc, bien sûr, c'est Othman qui a acheté en vérité donc ce puits. Et le prophète a dit donc aussi que, on verra, donc il lui dit aussi, Man hafra bi Roma falahu al-Jannah, dans un autre hadith, qui est rapporté par le Bukhari, celui qui creuse donc Roma, donc aura le paradis. Et maintenant, ils appellent ça Ber Othman, l'endroit. Ils l'appellent Ber Othman, si c'est bien celui-ci déjà. Si en vérité, c'est bien celui-ci. On va voir quand même. Et parmi aussi les sadaqas, donc la deuxième sadaqa, non, là c'est la première. Tawsi'atuhu li masjid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a bien sûr agrandi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd an bana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masjidahu fi al-Madina fa sara al-muslimun yajtami'una fih. Yusallu salatul khams. Donc les musulmans commençaient à se regrouper pour prier les cinq prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des gens venaient de loin. Ils venaient de ce qu'on appelle al-Jurf. Imaginez-vous, les gens qui partaient, ils restaient pas longtemps chez eux et revenaient prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yahduru in khutab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allati yusaru ilayhim fiha awamiruhu wa nawahih. Elle venait écouter aussi bien sûr les prêches de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou à partir de ces prêches, de ces endroits-là, donc on y retrouve des ordres et les interdits. Ou c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, leur disait ce qui était halal, ce qui était haram, ce qui était à faire, ce qui n'était pas à faire. Wa yata'allamuna fil masjid umur dinihim. Ils apprenaient dans la religion, ils apprenaient dans cette mosquée les choses de leur religion. Donc à ce moment-là, c'est le fiqh, hein, c'est le Coran, c'est le tafsir, c'est ça, c'est l'ilm. Et ça, c'est une preuve en vérité que c'est ça qui compte. L'ilm, c'est pas juste le ward, c'est pas juste en vérité ce qu'on appelle donc les exhortations. Ça, c'est pas l'ilm d'écouter que des cassettes de ward. Après, juste le Jannah ou le Moana, et on s'arrêterait qu'à ça. Non, on doit connaître ce qui est réel et connaître ce qui est haram. Celui qui n'écoute que les ward, il va pas devenir, va pas énormément avancer dans l'islam. C'est vrai que ça va lui toucher l'akhiri, mais c'est pas, il va rester tout le temps en vérité, donc, avec une science qui va rester générale. Mais en vérité, la vraie science, c'est celle qui montre ce qui est interdit, ce qui est licite et l'akhiri, ce qui est à faire. وينطلقون منه إلى الغزوات ثم يعودون بعدها. Et bien sûr, de cette mosquée-là, ils partaient. Donc c'était le Merkez. C'est l'endroit où tout le monde se rejoint. De là, il y a les rendez-vous si on devait partir matin même ou combattre et autres. ولذلك ضاق المسجد بالناس. Donc la mosquée a commencé à devenir petite parce que les gens y venaient là. C'est devenu le lieu de rassemblement. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة أن يشتريني بقعة بجانب المسجد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu que certains de ses compagnons achètent en réalité donc une terre qui était à côté de cette mosquée. لكي تزداد أو تزداد يعني في المسجد حتى يتصل أهله. Afin bien sûr d'agrandir cette surface de cette mosquée. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. Donc celui qui achète cette terre d'un tel, une catégorie de personnes ou d'une famille, et qui en fasse donc une augmentation, c'est-à-dire donc il augmente le terrain, il allergie le terrain pour la mosquée, sera meilleur pour lui dans le paradis. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من صلب ماله بخمسة وعشرين ألف درهم. Donc il a acheté donc bien sûr Omar ibn Khattab de son argent, donc il a payé donc 15 000 dirhams. Il a payé, maintenant c'est une grosse somme. Il a payé 15 000 dirhams. Lorsqu'on voit que Abou Bakr Sadiq avait combien au début, 40 000 dirhams ou dinars. Ou 20 000. Donc c'est 15 000 ou, parce que la hadith continue, ou 20 000. Thumma udifat al-masjid. Le harb udifat al-masjid. Et puis là, elle a été raccolée, elle a été raccrochée donc à la mosquée. Donc c'est devenu en fait une plus grande mosquée. Wasa'a ala al-muslimin radhiyallahu anhu wa ardahu. Donc il a fait profiter pour qu'il y ait plus de largesse pour les musulmans, pour qu'ils soient plus à l'aise et plus à même de pouvoir se retrouver dans cette mosquée. Et c'est un hadith qui est rapporté dans Nasa'i. Bon, c'est un Nasa'i. On retrouve aussi dans Nasa'i. D'accord. Donc, Sadaqatul Azima, Kathira, Yenifirazat Tabouk. Donc, dans cette raison qui est aussi important, où Othman, radiallahu anhu, qu'il a donné énormément d'argent pour cette raison. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيل لغزوة تبوك حث الصحابة الأغنياء على البذل. Parce qu'il a voulu partir dans cette raison, donc il a demandé aux musulmans de donner de l'argent. تجهيز جيش العسرة. Donc afin de préparer justement cette armée-là. الذي عده رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم. Donc c'était contre les Romains. فأنفق أهل الأموال من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على حسب طاقته وجهده. Donc chacun a donné de ce qu'il pouvait, selon ses moyens. أما عثمان بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثله. عثمان donc il a donné quelque chose d'énorme. Personne n'a pu faire comme lui. قد ثبت أنه أنفق في هذه الغزوة 300 يعني بعير بأحلاسها وأقلابها. Donc il a donné 300 chameaux. Il a donné 300 chameaux et avec en arrêté tout, c'est-à-dire leur sel et tout ce qu'ils pouvaient avoir. Non seulement les chameaux plus le matériel qui va avec les chameaux. Donc la monture, c'est-à-dire toute la monture. Avec toute la monture. Waja'a bi alf dinar. Fanasaraha fi hujr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a ramené aussi 1000 dinars qu'il a donné bien sûr là où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa akhadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يقلبها في حجره فيقول ما درى عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. Et après donc le prophète a retourné donc cet argent là, il avait cet argent là sur lui, il disait rien ne pourra nuire à Othman de tout ce qu'il fait après ce jour là. Donc Allah lui pardonne tout ce que il a fait. Et ça en vérité c'est un grand dalil, c'est une réponse à ceux qui critiquent énormément Othman. Othman il est critiqué depuis donc des siècles, depuis longtemps chez des gens, afin de dire que soi-disant que c'était pas un homme politiquement valable. Il n'était pas politiquement valable. Et qu'ils ont oublié les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces gens-là délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont vers l'aql. Ils utilisent en vérité donc l'aql. C'est pas la religion. Ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas touchés. Car leurs ajouts sera scellé leur cœur. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en vérité donc touchés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit contradit sur eux. Donc de bien sur eux. Cela ne les touche pas du tout. C'est comme s'ils étaient en face du prophète et ça ne leur touche pas du tout. Voilà en vérité ce genre de personnes. Et ils utilisent quoi, leur raisonnement, hein, afin de pouvoir critiquer en vérité une des meilleures personnes de l'islam. Une des meilleures en vérité personnes de l'islam. Et ici, il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Donc cette parole-là, lorsqu'il a dit que Othman rien ne pourra nous nuire, il l'a dit plusieurs fois. Il n'a cessé de le répéter. Il l'a dit, il a prononcé cette phrase-là plusieurs fois. Pas une seule fois. Plusieurs fois. Donc ça veut bien dire en vérité l'importance. Donc, sûr que rien ne peut lui nuire, Inch'Allah. Man jahaza jaysh usra falahu al-jannah, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Celui qui va donc préparer l'armée de l'usra aura le paradis. Et c'est lui qui l'a fait. Non seulement il a donné la monture, il a donné donc les bêtes, plus hein, ce qui va avec les bêtes, donc les selles et l'akhiré. On va reprendre donc un autre chapitre qui est en vérité les sadaqas qui sont permises vis-à-vis des pauvres. Justement, ça c'est un sujet en général où les gens ne savent pas trop bien comment, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour quelqu'un qui meurt dans notre famille. Ou pour, comment faire, c'est-à-dire vis-à-vis de, afin, vis-à-vis des, pas des pauvres, mais plutôt vis-à-vis des morts. Enfin, vis-à-vis des gens qui sont morts, comment on peut en vérité leur faire profiter d'une sadaqa. Premièrement, ma yafhaluhu al-walid as-salih min al-a'mal as-saliha. Donc, premièrement, tes actes pieux, tes actes pis, tes bonnes adorations. Hein. فَإِنَّ لِوَالِدَيْهِ مِثْلَ أَجْرِهِ دُونَ أَنْ يَنْقُصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. Donc, car les parents, en vérité, auront comme récompense, hein, la récompense que tu fais sans que, bien sûr, ta récompense disparaisse. لِأَنَّ الْوَالِدَ مِنْ سَعِيهِمَا وَكَسْبِهِمَا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Car la personne, en vérité, donc la personne, en vérité, elle est quoi? Elle est le fruit de l'éducation que les parents lui ont laissée maintenant. Ses parents l'ont éduqué, afin que ce soit un musulman pur. Et tout ce qu'il fait, donc ils l'ont appris, cette religion. Et tout ce qu'il va faire parce que les parents l'ont aidé, à cela, il va quoi? Donc il va en vérité, il va profiter en vérité des hasanats que lui gagne. Parce que c'est eux qui l'ont, bien sûr, qui l'ont montré, donc, cette voie-là. C'est eux qui l'ont aidé, qui l'ont montré justement, donc cette voie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne n'aura que ce qu'elle aura fait. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. Donc il dit صلى الله عليه وسلم dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié. Donc il dit la meilleure nourriture ou la meilleure chose que la personne puisse manger, c'est de ce qu'elle a donc gagné de ses mains. Elle a travaillé, elle a gagné de ses mains. Donc le meilleur travail, c'est bien sûr celui que tu connais de tes mains. C'est un labeur. Et l'enfant fait partie de tes mains. Donc l'enfant fait partie de quoi? De ton kesb, de ce que tu as gagné de tes mains. Donc on comprend que l'enfant, en réalité, tout ce qu'il fait, tu gagnes avec. Ça, c'est ni'amah. Et ça, c'est ni'amah. On sait très bien que le parent, le père ou la mère, donc il va monter. Hein, il va monter au paradis, il va dire alors que je ne mérite pas cette place. Allah va lui montrer que tu as laissé des enfants pieux qui ont fait du droit pour toi. Hein, tu as en vérité des enfants pieux qui ont bien sûr fait ce qu'il fallait faire. Et tu gagnes. Donc tu auras en vérité donc, cette place qui est élevée parce que les enfants sont là. D'où donc, l'intérêt en vérité de faire sur attention à l'éducation. D'où l'intérêt en vérité de tout le temps être derrière les enfants. Donc là, déjà par rapport à ce que l'enfant va faire. Donc ça c'est déjà un délit. Tu peux faire ça pour tes parents. Tes actes pieux c'est déjà un khair pour tes parents. Aïcha radiallahu anha, donc elle rapporte aussi, donc ça c'est deuxième point. Anna rajulan qal, inna ummi unfatalat, nafsaha awl, walam tusi, wa avonnaha, lo takallama tasaddaqat, fa hallaha ajrun, in tasaddaqtu anha, wa li ajrun qala na'am, tasaddaq anha. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc, un homme a dit, certes, donc ma mère, hein, donc elle est morte, hein. Donc elle est morte, c'est-à-dire elle est morte soudainement, subitement, c'est-à-dire sans maladie, hein, au préalable, il n'y avait pas de prémisse, donc elle est morte subitement, et elle n'a pas donc eu le temps maintenant de quoi, de conseiller, de donner des conseils, ou bien de dire maintenant faites ceci pour moi. Et je pense que si elle aurait parlé, elle aurait dit bien sûr de faire comme je la connais, donc si elle aurait parlé, elle aurait bien sûr demandé qu'on fasse commande pour elle. est-ce que la récompense si je fais des aumônes pour elle, et moi aussi j'aurai la récompense? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit naz. Il dit fais l'aumône pour elle, fais de l'aumône pour elle. Donc on a déjà des actes pieux, premièrement, deuxièmement, les quoi? Les aumônes. Troisième point, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفت أو توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائتي المخراف يعني صدقة عليها. Donc Saad ibn Ubada, qui est parmi donc les enfants donc de Bani Saada, parmi cette tribu là, sa mère est morte et lui n'était pas là, donc c'était en son absence. Il a dit oh envoyé d'Allah, certes ma mère est morte alors que j'étais absent, est-ce que cela lui sera profitable si je fais de l'aumône en quoi que ce soit, donc, si je fais une aumône pour elle? Il a dit oui. Il a dit certes, donc je te prends comme témoin que mon mur, hein, le mihraf, et ici, donc ils disent que c'est le mufmer, hein, comme quoi que donc, non seulement que lorsqu'il dit mon mur, haïti, donc on comprend que c'était un enclos, c'était muré, et il y avait en vérité peut-être des arbres fruitiers ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va pousser, peut-être un palmier. Donc ils disent haït, c'est pas la première fois qu'on voit le mot haït dans les endroits où. Ce qu'ils appellent maintenant le mazara. Ils appellent ça maintenant, on va dire le mazara, donc un mur, on retrouverait peut-être donc, des plants, que ce soit des dates ou autre chose. En général, le Médine, c'est sûrement des dates. Donc le mikhraf, c'est une sadaqa pour elle. Donc il le donne en sadaqa pour elle. Et aussi, Saad ibn Ubada, donc, قال, قلت يا رسول الله, إن أمي ماتت, فأتصدق عنها, قال نعم, قلت بأي صدقة أفضل, قال سوق الماء, فتلك سقايا سعد بن مدينة. Et ce hadith est rapporté par Nasa'i. Et ce hadith, on le retrouve dans un autre chapitre qu'on n'a pas eu le temps de voir, qu'on verra sûrement après, quels sont les meilleurs sadaqas. Et parmi les meilleurs sadaqas, c'est justement de donner de l'eau. C'est en vérité de creuser un puits maintenant et de laisser un puits qui sera profitable. Surtout Alma, donc de faire profiter les gens de l'eau, c'est parmi les meilleurs sadaqas. Donc il dit, certes ma mère est morte, donc Obada, hein, Saad ibn Obada dit que ma mère est morte, est-ce que je fais demande pour eux? Il dit oui. J'ai dit, et quels sont les meilleurs types de sadaqas? Il dit donc abreuver avec de l'eau, donc de donner de l'eau. Et ça, c'est justement la surkia de Sab, donc c'est la surkia qui s'appelle, qui est connue, surkia de Sab ou Amédine. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fahal kaffiru anhu an atasaddaqu anhu, qala na'am. Donc un homme rapporte. Un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit certes mon père est mort, il a laissé énormément d'argent, donc il a laissé de l'argent. Et il n'a pas conseillé, il n'a pas dit de faire ceci ou de faire cela. Est-ce que je peux en vérité donc expier maintenant ses péchés? Parmi ses péchés, donc je peux, est-ce que ça va expier en vérité ses péchés si je fais une aumône pour lui? Il a dit oui, non. Donc c'est profitable pour le père, que ce soit ou en l'élevant en degré par rapport à Hassan, ou c'est même en lui effaçant en vérité même les péchés. Et le hadith est rapporté par Muslim. On va continuer, inshallah. Al-Qana'a ou al-Iffa. Donc, Al-Qana'a, c'est en vérité, donc, d'agréer, d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Donc, ça te suffit, alhamdulillah, tu es à l'aise par rapport à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Donc, Qana'a, c'est ça, c'est Rida bima qasama Allah ta'ala wa raha al-qalb bizalika. Donc, ton cœur, il est serein par rapport à tout ce que tu as. Tu es riche, tu es pauvre, ça ne change rien. Tu sais que c'est Allah qui donne, donc ça ne te dérange pas. Ça, c'est Al-Qana'a. Et ça, c'est demandé. Parce que celui qui est Al-Qana'a, il a quoi? Donc ça ne le dérange pas de donner. Ça ne le dérange pas justement d'être bon, d'être généreux. D'être en vérité généreux. Et, mais surtout, ça a été loué. Donc Al-Qana'a, c'est justement vanté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Man asbaha minkum aminan fi sarbihi » معافيا يعني في جسده عند قوف يومه فكأنما أحيزت له الدنيا بحذافيرها. Donc celui en vérité qui celui en vérité qui se lève Alors celui qui viendrait se lever le matin, et qu'il est en paix avec son nefs, avec son âme. Et aussi, donc, en paix toujours, donc, bien avec son corps, et qu'il a, qu'en vérité, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps. Alhamdulillah, Allah Azzawajal l'a protégé de telle maladie, de ceci, de cela. Et il a de quoi manger la journée. Regardez bien, donc, c'est comme si, en vérité, lui avait été, en vérité, donné la vie d'ici-bas, et tout ce qu'elle a, comme, bien sûr, comme trésor. En vérité, la vie d'ici-bas, et tout ce qu'elle a, en vérité, comme trésor. Donc, imaginez-vous. Donc, celui qui est bien, c'est lui le plus riche. On comprend ça. On comprend qu'en vérité, le plus riche d'entre vous, c'est celui qui est riche dans son cœur et dans son corps. Donc, il est riche dans son cœur. Parce que, justement, il est à l'aise. Il est en paix, il est en sérénité, dans son nefs. Il a, alhamdoulilah, Allah Azzawajal, il a laissé une bonne santé. Et en plus, il a de quoi manger la journée. Il est à l'aise. Parce que cette personne n'attend pas demain. N'attend pas demain. Maintenant, on a peur. On veut faire des calculs de 27 ans après nous. On voit, on pousse loin. On pousse loin le bouchon, en vérité. Alors que ce n'est pas le but demandé. Si Allah Azzawajal facilite à des gens, alhamdoulilah. Mais ce n'est pas le but de manger. Parce que quand on se pratique pour cela, on oublie, en vérité, justement, donc ce que. Le but, le réel but pour lequel on a été créé. Et aussi il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, « Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qana'ahu Allah bima ata'. » Donc, a réussi, bienheureux, alors celui qui en était se soumet. Et qu'il a aussi, donc, a reçu comme subsistance donc justement le kafaf, mais en vérité c'est la suffisance qui est là pour lui, et en plus il aussi il se suffit, il est à l'aise, il agrée ce que Allah lui a donné, il agrée ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Donc là on voyait le falah, il a quoi en vérité le falah, et ça bien sûr ça fait partie des sifats des croyants, ça fait partie en vérité des sifats des croyants. Et il dit aussi, et pour cela en vérité donc il faut quelque chose d'autre, il faut bien sûr pour arriver à la qana'a, et donc il faut en vérité tawakkul ala Allah. Il faut en vérité placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit law annakum kuntum tawakkalun ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr. Tardukum masan wa taruhu batana. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani. Donc si seulement vous placiez réellement votre confiance en Allah, donc de la réelle façon, vous recevrez de la subsistance comme l'oiseau reçoit de la subsistance. Il part donc, avec le ventre vide, il a faim, et il revient en vérité avec le ventre plein. Donc là, on retourne dans ce hadith quoi. Non seulement là, tu places totalement ta confiance en Allah, mais en plus tu fais les sadab, parce qu'il a dit il part. Donc c'est ça la confiance en Allah. C'est pas la confiance, et puis on croit que ça va tomber tout seul. Parce qu'il est parti avec cette faim-là. Et il est revenu avec quoi? Donc il est, en vérité, il est parti. Il revient donc avec justement le avec ce ventre plein. Donc celui qui place sa confiance en Allah va l'aider. Bien sûr, il ne va pas le laisser. Donc on sait bien, comme il dit, et on verra justement par rapport à des versets qui viennent juste après. Il y a un hadith toujours, qui est rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, lorsque une personne, Niqala Rajulun Ya Rasulallah, Aqilha ou Atawakkal. Un homme a dit au envoyé d'Allah, est-ce que je la donc par rapport à sa chamelle, à son chameau, il a dit, est-ce que sa chamelle, est-ce que je l'accroche, est-ce que je l'attache, ou je place ma confiance en Allah? Ou bien est-ce que je l'accroche, je passe ma confiance en Allah, ou bien est-ce que je la libère et je place ma confiance en Allah? C'est-à-dire je ne l'accroche pas, je la laisse comme ça, et je place ma confiance en Allah. Il dit, attache-la et place ta confiance en Allah. Donc on voit le sabab, attache-la et place ta confiance en Allah. Et la confiance en Allah, ça ne veut pas dire hein, de délaisser le sabab. Donc là, on voit qu'il y a un sabab. Parce que tawakkul Allah, c'est l'azima. C'est justement en vérité. Il faut quoi avec? Il faut que ce soit accompagné d'une azima, d'une volonté. C'est ça. Tu vois, non seulement place ta confiance en Allah, mais avec une volonté. Et cette volonté, c'est un sabab. Il dit, Azza wa Jal, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et donc, et en Allah placez votre confiance si vous êtes réellement croyant. Donc, ça fait partie des sifats de Mu'minin d'être en vérité de quoi de passer sa confiance en Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah sera son garant, sera en vérité son garant. Non, parce que le tawakkul 'ala Allah c'est le plus important. Et on voit par rapport à un verset. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lorsqu'on voit ce verset, toute cette partie-là, certains croyants font ce don. Si les signes d'Allah, les versets d'Allah sont récités, lorsque les versets d'Allah leur sont récités, leur corps frémisse. Et si après ces versets lui sont récités, leur foi monte. Et tout ça, c'est en vérité tout ce qui est amal qalbi. C'est tout ce qui est en vérité les actes qui entrent dans le cœur. Et à la fin de 200, on voit quoi? Certes, ce sont les croyants. Et après, il dit, et ceux qui accomplissent la prière, là, c'est bien sûr, on entre dans les actes apparents. Donc, au début, c'était le début du verset, les actes cachés, et là, on rentre dans les actes apparents. Et c'est aussi un délit comme quoi qu'il faut tawakkal Allah pour arriver à quoi? Aux actes apparents. C'est pour ça qu'il termine avec ça. Ils placent leur confiance en Allah, et non seulement aussi, donc pour commencer, c'est le départ, pour commencer justement ce qui vient juste après, et de ce qu'on leur a donné, ils donnent largement. Et après Allah, il continue dans ce verset-là, il leur donne, il dit, il témoigne que ce sont eux véritablement en vérité les croyants. Parce qu'ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit après? Et ils ont des degrés auprès de leur Seigneur. Des degrés auprès de leur Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des degrés auprès de leur Seigneur? Donc les degrés auprès de leur Seigneur, c'est parce que leur foi l'a monté. Et là maintenant on est où? On est au paradis. On est en vérité fil akhira. Au début on était fil dunya. Hein, que ce soit par rapport aux actes cachés au début plus apparents, lahum darajat wa 'inda rabbihim. Ils ont des degrés auprès de leur Seigneur parce que justement leur foi l'a monté. Plus ta foi elle monte, plus normalement au paradis quoi, tu seras monté. C'est relatif. Celui qui a la foi monte, pourquoi sa foi l'a monté? Parce qu'il a commis, parce qu'il a effectué des bonnes actions. Donc la foi elle monte par rapport à l'adoration. Donc cette foi a monté, ils ont des degrés par leur Seigneur. Après, wa marfiratun. Et cette marfira, elle revient à la prière. Parce qu'il n'y a pas meilleur que la prière pour être pardonné. Hein? Il y a plein de preuves qui montrent que la prière, justement, elle vient effacer hein, les péchés. Comme que les hasanets font effacer les péchés. Ça, c'était par rapport à la prière. Dans la question. Et d'autres, vous brûlez. Et on va être donc une prière à une autre. On sait bien que ça efface. Nous, il y a beaucoup de délits par rapport à cela. Et après, la humeriskun kalim. Ça, le risque, c'est par rapport à la sadaqa. Donc, ce que tu donnes, qu'est-ce qu'il fait Allah? Il te donne, même un peu pareil, il va te donner. Et toutes ces sadaqas, que ce soit physique ou que ce soit même par rapport hein, aux bonnes paroles, Allah il te donne au paradis. Donc tu vas recevoir mieux au paradis de ce que tu as donné. Tu vas recevoir meilleur au paradis de ce que tu as donné. C'est pour ça que ce risque, le kérim, fait partie en vérité de quoi? C'est un lien, en vérité le lien, en vérité ce verset-là, il est partagé. Donc il est partagé non seulement aux actes donc, qui sont cachés, celles qui sont apparentes, la première partie, et on voit bien à la fin c'est quoi? C'est pour ça que tawakkul 'ala Allah c'est trop important, c'est parce que le fait que c'est en vérité la moitié de la religion, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah, donc ça appartient aussi à la moitié de la religion, on ne peut pas délaisser, parce que c'est ça qui va en vérité te pousser, te propulser vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va justement te donner cette force, il va en vérité te donner cette force, et cette confiance en Allah dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas faire. Dans un autre hadith, laisse le ghani an kathrat al-'arad, walakin al-ghani ghani an-nafs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc toujours dans Al-Bukhari Muslim ici. Donc le riche, c'est pas celui qui a énormément de biens. Non, en fait, le riche, c'est celui qui est riche dans son fort intérieur. Non, on sait bien combien de riches se suicident, à titre d'exemple. Combien de gens sont, hein, ils sont ce qu'on veut. Ils sont en vérité trop mal à l'aise, même s'ils arrivent à un âge avancé. Un des plus gros riches qu'on a vu ici en Allemagne, milliardaire, on entend qu'il a l'âge avancé, 70-80 ans, il se suicide. Pourtant, c'est à coups de milliards. Mais voilà, il se suicide. En fin de vie, on va dire entre guillemets. Il a quand même passé beaucoup de temps de sa vie. 70-80 ans, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, il a de quoi faire. Lakin, son nef, en vérité, c'est pas ça. Son nef n'a rien à voir. Le bourd, Anillah Azzawajal, n'a rien à voir en vérité avec, bien sûr, cette suffisance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à la donc c'est Rida Bilqalil. Le fait d'accepter, ne serait-ce que peu. On accepte. Donc tu seras en vérité à l'aise que si tu acceptes, même si Allah te donne peu. C'est pour ça qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, on veut il amène huwa asfal minkum. Regardez qui est en dessous de vous. Alhamdulillah, si tu n'as pas beaucoup, parce que les gens, c'est pire que toi. Si toi, tu arrives peut-être à manger, les gens, ils ont besoin de 3 jours pour pouvoir ne serait-ce que mettre une demi-assiette dans son ventre. C'est possible. Voilà, tant que vous, il amène huwa fawkakum. Fawa ajdal en la tazdadu. Tazdadu, afan. Ajdal en la tazdadu. Ni'matallah alaykum. Donc, et ne regardez pas celui qui en vérité au-dessus de vous, car cela va être en vérité plus propice afin que vous détestiez ce que les grâces d'Allah envers vous. Les grâces d'Allah envers vous. Non. Donc c'est parce que si tu regardes celui qui est au-dessus, tu vas dire que j'ai rien eu. Là, il y a une personne qui est venue voir un savant et qui lui a dit, donc la personne se plaignait de ne pas avoir d'argent, ou bien avoir peu d'argent, peu de moyens. Le savant lui dit, vois-tu ton œil? Non. Tu me l'échanges contre 100 000? Il dit non. L'autre œil, tu ne l'échanges contre 100 000. Il dit non. Hein? Donc, il lui énumère énormément de bienfaits qu'il y a dans son corps. Alors, il lui dit, je vois en toi des centaines et des centaines de milliers. Et tu te plains. Donc, la personne a compris. Après, bien sûr, elle ne se plaignait plus. Et c'est comme ça. Si la personne va se plaindre d'avoir mal maintenant à l'oreille ou au petit doigt, il va toujours dire, ah, j'ai toujours mal. Nanana. N'oublie pas qu'Allah Zawiyah t'a donné beaucoup mieux que ça. Il suffit que tu as donné l'aql. Il suffit que tu as donné la vue, il suffit que tu as donné l'ouïe, tu peux écouter, tu peux lire, enfin, le khayr qu'Allah te donne, donc tu peux lire le Coran, tu peux lire les hadiths, en plus tu peux comprendre et tout, c'est pas mieux que ça. Même si tu n'avais pas de bras hein, et de jambes, il y avait des ulama qui ont été manchots, et des ulama qui n'avaient presque, donc ils avaient que la moitié d'un buste, que la moitié d'un corps. Et c'était des grands ulama, tout le monde revenait vers eux. C'était des. Ils avaient, on voudrait être comme eux. Avoir leur sens, même si s'il nous manquait, on va être énormément de choses. Et là, c'est une grande ni'ma d'être comme ce savant-là. Même si on n'était pas physiquement normal, on va dire. Non. Donc on voit en vérité qu'il faut tout le temps en vérité regarder celui qui est en dessous de nous. Parce que quand tu regardes, tu dis Alhamdulillah, par là, justement, il t'a facilité et il t'a en vérité. Il t'a choisi vis-à-vis de quoi? Il t'a choisi de ses bienfaits vis-à-vis des autres. Non. Et la même chose, il y a aussi une personne qui était. Donc, qui était assez riche. Cette personne était vraiment habillée comme un pauvre. Donc, vraiment habillée du style, on croit qu'il n'y a rien. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, as-tu des biens? Il lui dit, oui. De quel type de biens? Il dit, de tous les biens. Donc, hein, les chameaux, les ovins, les bovins, il a énormément de biens. Donc, des vaches, des moutons, ça. Il lui dit, certes, Allah aime qu'on voit la grâce de sa miséricorde sur lui-même. Qu'on voit, en vérité, la grâce de la miséricorde en sur lui-même. Donc, aussi, c'est pas, tu as, et tu te crois que tu n'as pas. Et ça, ça rentre en vertu de Adam et Shukr. Ceux qui vont penser à économiser énormément d'argent, ils jouent toujours les pauvres. Tais-toi dans ces cas-là. On t'a pas demandé de mentir. C'est grave. Parce que tu joues le pauvre. Tu dis, non, moi, j'ai pas, c'est dur, j'ai pas, et en vérité, tu vois. Et tu penses, en te trompant, que tu es en train de te protéger contre l'Aïn. Il suffit de ne pas parler, tout simplement. On t'a pas demandé de raconter. Mais non plus, ne dis pas le contraire. Parce que tu veux faire passer un message, en vérité, en faisant croire que tu es pauvre. Hein, pour que les gens disent que tu es un pauvre, comme ça au moins, tu dis au moins je vais être protégé contre la haine là, tu te protèges avec les doigts, tu te protèges avec ce qu'il met, pas avec en vérité des subterfuges, des fausses choses. Et ça c'est interdit. Parce que tu es en train de faire quoi? De renier quoi? Et choukr, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est kufr ni'am. Donc en vérité tu renies le quoi? Les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en vérité tashkuru. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Donc on voit qu'en réalité, tu dois t'ahaddis. Il n'y a pas dit de venir que tu vas venir cacher, ou bien que tu vas venir mentir pour te protéger contre la haine ou autre. Non. On va s'arrêter là. Barakallahu fikoum, subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc le